ma sœur âme, ma sœur, amante religieuse, je suis un osseur, sois-moi miséricordieuse. Et mousse mes noirceurs au bain de ta voix. Fais-moi prendre l'ascenseur une ultime fois. Ne me descends qu'au dernier étage des étoiles, là où les murs sont mûrs pour risser les voiles. Nous y vivrons tous deux, embrés de douceur, sous la main de Dieu, comme sous la main d'un masseur. De douceur sous la main de Dieu, comme sous la main de ma sœur, ma sœur âme.